des cuits à mon réveil. Je suis l'ombre d'un autre, épuisé qui vit en gris rêve en couleur. Moi je ne rêve pas, en tout cas je ne m'en souviens pas. J'existe en noir. Dorment-ils, sont-ils morts? Peu m'importe, je suis seul. Fragile, mêlé, j'écarte et vêtu du lourd manteau de la foule, vois-tu. Les volets sont clos, mes yeux bien ouverts. Les yeux.